issus des quartiers meurtriers, là où le meurtre est trop fréquent. La vie tu vois et ses conséquences. J'y raconte les tripes du ghetto, ses ambiances louches. Quand sonne leur fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse le feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. Bang bang, c'est clair, de nos jours dans les quartiers. Bang bang est le son plus souvent remixé. Canon, scie et deux flingues au poignet. Les mecs s'insultent, finissent par s'entretuer. Et voient un peu l'amertume des gaziers. Ils n'en peuvent plus de se faire chier. Retranchés dans leur cité par la société. Leur seule défense est de riposter à base de bang bang bang, bang bang bang. Alors, chaque jour la violence s'instaure. Cicatrices bleues sur le corps. Les mecs se croient les plus forts. Coup de gun, bastos, tu sais, ils ont tort. C'est pas comme ça qu'ils vaincront la négligence. La haine neutralise l'intelligence, en tout cas moi. C'est ce que je pense dans les cités. Les mecs n'ont pas de tolérance. Boom bang, ça frite et ça frappe. Bang bang, une leçon ça craque. Bang bang, ça frite et ça frappe. Boom bang, une leçon ça craque. Toi-même tu sais comment ça se passe la vie de cité. Vise un peu le gueule que je me suis fait chaud. Maintenant, on va leur niquer leur merde. Putain, leur race. Ça frappe, ça frite, ça craque. Trop de haine coule dans leurs veines. Tout se calme quand le sang coule comme la Seine. Bang, bang dans les familles, trop de peine quand les problèmes s'amènent. Aujourd'hui, mon cri de rage passe par le mic. Mon message à travers mes lyrics. Écoute, écoute ce son sang comme il est bon, garçon. Beat et tempo sont en parfaite synchro. Mais voilà les décibels de bang bang. Ouvre le son de la Rhapsody Bang. Boom bang, pas de place pour la haine. Le bon son coule dans nos veines. Nous, le problème, on les règle sans peine, gars. Et gazier, faut calmer les esprits. Tu sais, réaction à dessous, faut cesser. Fume de la saisie et cesse d'être indécis. Au mieux, tu passes pour un vernis, pour ne pas dire abruti. Qu'est-ce que tu veux que j'y passe, frère? On n'est pas en guerre et pourtant, trop de morts sur terre. La haine rouge, c'est clair. Boom bang, un son qui résonne, ça sonne comme la perte d'un homme qui cherche à faire sa vie. Mais boum, bang, une balle l'a surpris. Aujourd'hui on prie pour lui tous ensemble, ça suffit. Y'en a assez, des gens terrassés de la vie, pas encore rassasiés. Peu vécu, ils se font faucher. C'est clair, en deux secondes, tout peut chavirer. Commis trop de délits, ils n'ont pas d'autre choix que de changer de vie. La vie de cité est cité en première page, désignant les mecs comme des sauvages. Et dire petit, ils étaient sages. Trop de choses changent avec l'âge. Ouais gars, trop de choses changent avec l'âge. Qu'est-ce tu veux que j'y passe, frère? Trop de problèmes qui s'enchaînent et entraînent la haine des bang bang. En veux-tu, en voilà, bronche mon gars et tu verras que ce n'est pas si facile de cesser le feu quand il s'agit d'un problème de celle-ci ou de deux gars. On aura à vous dire que les problèmes qui s'enchaînent ne sont pas les pires, mais font souffrir quand ils agissent en tandem. Logique,